La cache secrète par H.R. Bustin. Chapitre 1er. Une curieuse rencontre à bord du Berengaria. Du pont promenade, John Dudley descendait au fumoir attenant au salon des premières, quand, aux dernières marches de l'escalier, un coup de roulis inattendu le précipita sur un passager qui s'apprêtait à monter. Le choc était d'autant plus rude que le premier passager était d'imposante corpulence tandis que son compagnon de traversée, grand et sec, semblait bien musclé, malgré qu'il fût d'âge déjà. Dudley ne put retenir un juron sonore et s'excusa en rejetant la faute de la bousculade sur l'état tourmenté de la mer depuis que le Berengaria avait quitté New York en route pour le Havre. Soudain, il porta les mains aux deux épaules de celui que leur brutale rencontre avait empêché de s'affaler tout de son long. Il le fixa un instant du regard, puis ses traits s'épanouissant d'un large sourire, brusquement il s'exclama « Ah, par exemple, que je sois damné si vous n'êtes pas biour qu'en chair et en os !» Pas un muscle du visage de l'autre ne broncha, et sans se départir d'un flegme déconcertant, sans élever la voix plus qu'il ne fallait, il déclarait aussitôt « Je tiens essentiellement à vous aviser, monsieur Dudley, que si, à une certaine époque assez éloignée, vous avez pu me connaître sous le nom que vous venez de mentionner, je suis aujourd'hui le colonel Charley Mitchell, colonel en retraite, bien entendu. Je vous serai reconnaissant de ne pas l'oublier tant que nous serons à bord du Berengaria. » Le gros homme était visiblement interloqué. Son rire tomba, et roulant des yeux éberlués sous ses sourcils arqués en circonflexe, il chercha à savoir. « Enfin, Burke, pardon, colonel, m'expliquerez-vous ? Je n'y vois aucun inconvénient. Pas ici, dans ce couloir, toutefois, avec le va-et-vient continuel. » Où êtes-vous logé ? Cabine 7. Eh bien, veuillez m'y conduire. Là, du moins, nous pourrons nous entretenir en toute liberté, loin des oreilles indiscrètes. » John Dudley n'en demanda pas davantage, et le précédant de quelques pas lui montra le chemin. Commissier au milliardaire qu'était ce roi des conserves alimentaires portant son nom, sa cabine était aussi confortablement aménagée que le permettait sa relative exiguïté. Les deux hommes prirent siège et, les cigares allumés, selon l'usage entre bons Yankees, Dudley commença. « Me direz-vous maintenant, old fellow, comment je vous rencontre ici, colonel en retraite ? Et d'abord, voyons, vous avez donc appartenu à l'armée américaine ? Je l'ignorais totalement. »« Oh, vous savez, » répliqua son interlocuteur sans se démonter, « il y a aux États-Unis autant de colonels que de généraux au Mexique, de Herr Doktor en Allemagne et de princes parmi les Russes blancs réfugiés sur tous les points du globe. Simple question de latitude, un colonel de plus ou de moins, ce n'est pas une affaire. » Un titre honorifique alors ? Même pas. J'ai assumé cette personnalité de militaire retraité pour dérouter ceux qui pourraient me connaître de nom, et partant, avoir avant du but que je poursuis. Or, il faut coûte que coûte ne pas donner l'éveil. Tout surpris, le milliardaire coupa. Je croyais que vous aviez complètement quitté le service judiciaire américain. Pour vous fixer définitivement à Paris qui vous avait toujours attiré. Pardon, cher ami, répliqua l'autre, en baissant légèrement la voix. C'est au vieux limier, Ned Burke, que vous vous adressez en ce moment, et non plus au colonel. Ici, vous êtes absolument dans le vrai. Je me suis bien retiré à Paris, mais on n'a pas été détective des années durant sans éprouver la nostalgie du métier. La vie m'a paru banale, quelque peu monotone, et je me suis amusé à former un autre moi-même qui a profité de mon expérience. Avec ce brave garçon, Romain Farrell, nous nous occupons parfois à déchiffrer quelques mystérieuses énigmes dont le mot échappe à la police de mon pays d'adoption. Curieuses affaires que les intéressés veulent bien nous prier de tirer au clair. Eh bien, c'est un cas de ce genre auquel je me suis attelé. Le vol des bijoux de Lady Desmond, que sans doute vous avez pu lire dans les journaux. Lady Desmond, je pense bien, interrompit Dudley. Moi, vous savez, ces histoires-là ne m'intéressent guère, mais Lillian, ma fille, se passionne pour elles, et il me faut bien l'écouter quand elle se plonge dans leur lecture. Alors, vous êtes au courant ? Du vol audacieux dont cette grande dame de l'aristocratie anglaise a été victime, il y a 3 mois environ, dans sa résidence londonienne de Berkeley Square, évidemment. Eh bien, depuis lors, la police de la métropole britannique en est exactement au même point où elle en était au lendemain du vol. Elle a manqué de flair et s'en est tenue à une théorie dont elle ne démord pas qu'elle défend mordicus. Elle veut voir là l'œuvre de toute une bande de voleurs internationaux coutumiers de ces coups-là. Et c'est là d'où vient l'erreur, qui ne lui a pas davantage permis de retrouver les bijoux dérobés que de découvrir les bandits. Les policiers font fausse route, dites-vous ? J'en ai non seulement la conviction, mais la certitude. Lady Desmond, désappointée de voir que les détectives anglais n'aboutissaient à rien, s'est adressée à moi et j'acceptais de poursuivre l'affaire pour mon propre compte. Et vous avez réussi là où ils ont échoué ? En partie, du moins. Parce que je n'ai pas suivi les mêmes errements, m'attachant à une toute autre théorie qui m'est propre et diffère entièrement de l'autre. Le vol de Berkeley Square, à mon avis, au lieu d'être l'œuvre d'une bande internationale, n'a eu qu'un seul auteur, un homme d'une prodigieuse habileté, d'un savoir-faire surprenant, n'ayant rien d'un escarpe de la pègre, mais appartenant au meilleur monde, j'en suis sûr, et ayant accès partout sans qu'il soit possible de le soupçonner. Alors vous le connaissez, vous savez qui il est ? Nullement. Mais d'induction en induction, j'en suis arrivé à cette conclusion qu'il devait inévitablement fréquenter les milieux aristocratiques, par suite se mouvoir dans l'entourage même de Lady Desmond. Extraordinaire, clama Dudley. Un gentleman cambrioleur, alors ? Peut-être, mais ne risquant que des gros coups et travaillant toujours seul. Mais les bijoux, les avez-vous retrouvés au moins ? Quelques-uns seulement, et dont l'importance est relativement minime. Mon homme était venu fourguer aux États-Unis le produit de son vol, comme bien je m'en doutais. Mais redoutant peut-être d'être dénoncé s'il offrait un trop gros morceau, il a préféré amorcer l'acheteur en lui présentant un lot d'écoulement facile. Il se réservait d'apporter le reste plus tard, quand enfin psychologue, il aurait pu sonder le receleur et le juger. Le calcul était d'autant plus juste que le fourgue imprudent se monta bavard et confia son aventure à de mauvais garçons de l'Underworld, ce monde des bas-fonds de New York. Du temps que j'appartenais au service judiciaire, j'avais conservé quelques louches relations dans ce milieu tout spécial. J'allais faire un tour. On ne m'avait pas oublié. Des lèvres jusque-là bien closes s'entr'ouvrir. Les langues se délièrent, mais nul n'avait vu celui qui avait vendu les bijoux, sinon le fourgue. Je me suis mis en rapport avec lui. Il avait bien les joyaux de peu de valeur, je vous l'ai dit. Néanmoins, il ne put me donner qu'un signalement très vague de son client. Il assurait en effet que ce dernier, certainement un étranger à son léger accent, s'était camouflé pour venir chez lui. Un détail pourtant, infime peut-être, mais qui pouvait avoir son importance. Le receleur avait remarqué qu'un peu au-dessus de la tempe droite, il portait une cicatrice que dissimulaient les boucles de ses cheveux qu'il portait un peu longs, à cet effet sans doute. Le fourgue ne s'en serait même pas perçu si son client n'avait pas inconsciemment relevé de la main l'une de ses boucles qui, en glissant, gênait sa vue. Il s'était bien vite repris d'ailleurs et rétablissait aussitôt la symétrie de sa chevelure. Ce n'avait été que l'affaire d'un instant, mais cet instant avait suffi au receleur pour entrevoir la cicatrice. Ned Bjork, ou plutôt le colonel Mitchell, comme nous continuerons à l'appeler, termina son récit en déclarant n'avoir pu découvrir le mystérieux inconnu qu'il soupçonnait fort, puisqu'il n'était pas américain, de voir regagner le vieux continent s'il ne l'avait déjà fait, ayant toujours les plus riches bijoux en sa possession. Quant à ceux qu'il avait vendus, le mandataire de Lady Desmond, il les avait rachetés au fourgue, suivant les instructions précises de la grande dame, et allait les lui remettre en main propre. Mais il ne désespérait pas de découvrir un jour cet étrange et audacieux voleur. « Quelle curieuse aventure !» s'exclama Dudley. Et si Lien la connaissait, d'un geste, le colonel l'arrêta. « Je vous serai tout particulièrement reconnaissant, mon cher ami, de ne souffler moi qui que ce soit des confidences que je viens de vous faire. Quoi, même pas ma fille ? Je vous répète et j'insiste que pour tout le monde, sans exception, je suis le colonel en retraite Charlie Mitchell. » Je tiens essentiellement à garder mon incognito. Miss Dudley doit donc ne pas savoir que je m'occupe de cette affaire. Fort bien. En ce cas, je me conformerai à votre désir et saurai garder le silence. Comptez sur moi.